Hey, j'ai parlé avec mes amis en fin de semaine. Je t'ai raconté leur histoire un peu. L'histoire de mon chum Andy qui arrive. Il y a deux chars, sont un couple, ils ont un enfant, ils vont en avoir un deuxième dans pas longtemps. Puis ils ont décidé de vendre une des deux voitures. Puis Andy prend l'autobus. Ça prend des sacrifices en partant. Tu sais, c'est pas évident. Premièrement, il est collé sur Chauveau. Ça lui donne un maudit break en partant. Sur Chauveau, OK. Le lieu où il travaille lui donne un autre break. Parce que ça non plus, tu décides pas tout le temps de ça. Hein? Dans vie, si ta job est à côté d'un terminus ou est à côté d'une ligne principale, tu sais, c'est ça qu'il m'expliquait en fin de semaine. Il dit, j'ai pris la décision, mais il y a plein de facteurs qui faisaient en sorte que ça m'aidait. Puis je comprends que le monde à qui tu parles le matin, là, ils ont pas toute ma chance, entre guillemets, d'être collé sur Chauveau, d'avoir une job qui est collé sur un terminus, puis d'être capable de faire l'aller-retour. J'ai déjà runné à un char avec ma blonde, mais c'était des conditions parfaites. Tu sais, des conditions gagnantes. Ouais, je travaillais au centre-ville, 9 à 5. Regarde, il y avait un express qui passait à côté de chez nous. C'était des conditions parfaites. Puis les enfants étaient jeunes. C'est un autre point, là. Les enfants étaient moins dans le sport, moins occupés. Ils travaillaient pas comme aujourd'hui. Mais même la fin de semaine, nous autres, à un char, des fois, ça serait rough, là. C'est rock'n'roll, là. Il y en a qui ont une activité en même temps que l'autre. Regarde, c'est pas évident. J'aimerais ça, moi aussi, le vendre, mon deuxième char. Pensez-vous que j'aimerais pas ça avoir... Le paiement que je fais par mois, penses-tu que j'aimerais pas ça l'avoir dans les poches? Mais je suis obligé. J'ai pas le choix d'avoir deux chars. J'ai hâte que les gens du transport collectif comprennent que la voiture, premièrement, c'est pas un cauchemar, c'est pas une arme, c'est pas un ennemi à abattre. C'est une nécessité pour 80% du monde. C'est à partir du moment où ça va être compris et accepté, là, je pense qu'on va en trouver des solutions pour le partage de la route intelligent, puis pour pogner les morons qui roulent en char, puis pour pogner les imbéciles qui roulent en vélo, en cave, puis qui se soucient pas du monde. Quand c'est rendu que tu manques plus de te tuer à traverser une piste cyclable à Montréal qu'à traverser la 20 en plein milieu de la... Ah, ça, regarde, c'est ça, là, m'a dit. On a eu plus ou moins le temps d'en parler vendredi, là. Mais le dimanche après-midi, quand il fait beau, qu'il fait 25 degrés, là, au mois de juillet, tu sais, la piste cyclable qui passe en face d'Espace 400e, là, le long du vieux port, là, watch out. Tu traverses ça, là, prends-toi des assurances avant, là. Prends-toi une bonne police d'assurance avant. Les fins de semaine, dans ces coins de piste-là, il y a deux types d'individus qui ne sont pas les bienvenus. Les piétons, puis ceux qui font du vélo, mais qui font pas le Tour de France. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est une autre affaire. Les cyclistes qui veulent juste faire du vélo pour le fun, là. Ouais. Vous sentez-vous bien, vous en autres? En famille, là. Sur les pistes cyclables, en famille. Avec quelqu'un qui va pas vite, ben là. Ben oui, quand Miguel Indurain essaye de vous dépasser, là. Tu sais, ça marche pas, là. Hey! Si tu penses que je vais débarquer les pieds de mes étriers pour faire un stop, ben pour non, faire... Hey, ça. Mon cardio, toi, là. Je suis en train de gagner, je suis en train de rattraper Armstrong en avant, là. Moi, la journée, là, que je me promène sur une piste cyclable dans le coin du Vieux-Port puis que je la traverse puis que mon gars se fait frapper par un vélo, là. Comment je vais réagir, tu penses? Comment je pourrais réagir, là? Tu sais, c'est parce que c'est ça. Faites attention. Sacrifice. 8h49 à Radio X, dans le show du matin. Trouvez ça bien le fun, les reportages en fin de semaine sur les Sugar Daddy pis les Sugar Baby. Ouais. Mais j'ai pas fait une grosse idée, par exemple, à savoir, tu sais, c'est des adultes, là. Des gens qui s'en vont sur un site internet et qui se présentent comme étant une fille belle dans vingtaine qui veut se faire entretenir avec un montant par mois. Et les bonhommes, rendus à 45, 50 ans, qui sont soit tristes en mariage, soit tout seuls, soit qui ont besoin de sexe, soit qu'ils veulent flasher dans des réunions d'affaires ou dans des lieux publics, puis eux autres sont prêts à débourser des 2000, 3000, 4000 piastres par mois pour avoir de la compagnie une fois de temps en temps. De la compagnie plus jeune puis de la compagnie agréable. Vous savez, il y a des mariages qui fonctionnent exactement comme ça, hein, sans passer par un site de rencontre là, puis sans se faire signer un contrat, là. Ah oui. Des relations de couple ou des relations d'amis spéciaux. Ben oui. Il y en a plein. Prostituées qui sont mariées avec leur client, ça existe. Dans une série, Qui ont des enfants ensemble. La prostituée qui a des enfants avec son client, ça existe aussi. Puis, ils vivent ensemble dans une belle grosse maison. Puis, au nombre de choses dans la vie de tous les jours qui se négocient avec l'argent et le sexe, on s'entend-tu que dans chaque couple, il y a un genre de rapport de force. Pas nécessairement tout le temps extrême, pas nécessairement tout le temps le même. Il y a tout le temps un deal. Mais quand on a parlé tantôt avec la journaliste qui a fait les reportages dans le Journal de Québec, j'ai demandé au monde de m'écrire, j'ai demandé au monde d'appeler pour jaser un peu. Il y a même une Sugar Mammy qui nous a raconté ses histoires tantôt. Une ancienne Sugar Baby, attention. Ah, la fame des Sugar Mammy. Il y en a une qui a pris le temps de nous écrire son expérience bien détaillée, puis je veux vous la raconter. Elle dit, je vais faire attention là pour pas, elle veut pas que se faire identifier, puis je veux pas identifier personne dans l'histoire non plus. Concernant le phénomène Sugar Daddy, je suis une fille de 30 ans. Je réside à Québec, je vous fais part de mon histoire. Depuis que j'ai 20 ans, je suis en relation avec des hommes qui ont toujours eu au minimum 40 ans. Ça a débuté à l'époque parce que je voulais avoir tout ce que je veux. J'aimais les belles choses, l'argent, puis je voulais ça tout de suite. J'ai envisagé trois options. Aller danser, car j'ai le corps pour le faire. La prostitution, parce que c'est extrêmement payant. J'avais une amie qui le faisait. Mais j'ai opté pour rencontrer des hommes qui ont le portefeuille. On rigolait bien quand on était jeune pour dire « Ah, je vais me pogner un vieux riche, puis je vais faire la grosse vie. » Ben moi, j'ai osé et je l'ai fait. La première relation n'a pas été de tout repos parce que je savais trop ce que je voulais ou ce que je pouvais faire. Et oui, j'ai été gâté, oui, j'ai eu bien des choses, mais j'en ai bavé. Par la suite, j'ai appris à demander, à exiger, à poser mes limites et à voir ce que je voulais. Il faut toujours essayer de rester les pieds sur terre et essayer de se remettre en question pour savoir qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu vaux. Après trois relations aujourd'hui, ça fait 3 ans que je fréquente le même homme. Je ne demeure pas avec lui. Oui, j'ai des relations intimes avec lui. Oui, je suis dans des événements mondains, des lancements, des cocktails d'entreprise avec lui. Et nous nous présentons comme des amis. C'est un accommodement. 3 ans de temps. C'est un professionnel, bien en vue et reconnu. Je ne suis pas considéré comme une cruche vide. Cette relation a toujours été respectueuse, bien que non conventionnelle pour plusieurs. J'ai un appartement que je ne paie pas. J'ai mes frais de subsistance que je n'assume pas, hydro, télé, téléphone, vêtements. J'ai une très belle voiture que je ne paie pas. Je voyage minimum 4 à 5 fois par année. Et encore une fois, je ne débourse pas. En plus de tout ce que je viens de nommer, j'ai une reconnaissance d'environ 4 200$ par mois que je convertis en placement à 80% à tous les mois. Elle a viré ça en business. Elle s'entend bien avec un gars, ça fait longtemps. Ils ont une relation d'affaires en plus d'avoir une certaine amitié, si je comprends bien. Elle dit, disons que j'ai pas à m'en faire pour ma retraite. Pas toutes, là. La ligne est mince des fois aussi. Hein. Tu sais, la ligne est mince. Mais c'est quoi la différence entre ça? Puis un joueur de hockey qui joue dans la Ligue nationale, une fille s'est accrochée avec, puis elle a la grosse maison, puis elle a... Ah bon, c'est pas de mes maudites affaires, hein, ce que ces femmes-là font. C'est le fun, le texte, puis tout ça, puis les articles, puis d'en jaser, mais... À base, je sais pas s'il y a des gens qui sont scandalisés par ça, qui trouvent que ça a pas de bon sens, mais d'un, c'est courant, de deux, quand on parle d'adultes, il y a pas de trouble là. Ce que je trouve bizarre dans toute la série de reportages, faudrait rappeler à la journaliste, j'ai le goût de dire, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est, tu sais quoi? C'est que quand elle a rappelé les gars qu'elle a rencontrés, elle en a rencontré 6, elle, et quand elle les a rappelés, ils se sont comportés comme les pédos dans JE. Ouais. La panique. Ouais. Ah non, c'est pas ça, c'est une erreur de numéro, raccroche. L'autre qui se sauve, l'autre qui veut rien savoir. Alors que les gars auraient dû s'assumer pis dire, regarde, je suis majeur, vacciné et millionnaire. Puis je me cherche une belle fille. Regarde, j'ai moyen de pas chercher, de pas aller à chercher sa rue du Roi à 2h30 du matin. Qu'est-ce qu'il y a de mal ou de gênant ou de malaisant là-dedans? Moi, c'est drôle. Il me semble que si j'étais millionnaire puis que j'aurais fait affaire dans ce site-là, je me serais assis avec la madame puis j'aurais dit, regarde, ouais, c'est de même que je fonctionne. Je veux pas ma photo dans le journal, là, mais m'a t'as le donné, mon témoignage. Moi, j'ai pas rien à me reprocher, là. C'est parce que même pour sans qu'il y ait d'argent impliqué, là, il y a des sites internet ou même des sites de rencontres où le volet sexuel prend toute la place. Ben oui, ben oui, ben oui. Des gars qui vont dire, j'ai une femme. Mais je me cherche quelqu'un d'autre on the side, c'est beaucoup plus que courant. T'as-tu déjà daté avec un site de rencontre? Non. Non? Jérôme, t'as-tu déjà daté avec un site de rencontre? Ben non. Non? Je suis en couple. Jérôme n'a jamais été célibataire, là. La dernière fois que j'ai été célibataire, j'avais 14 ans. Puis dans ce temps-là, ça n'existait pas. Il y avait pas, t'étais pas sur un site de rencontre? Non, t'as pas sur un site de rencontre. Étudiant rencontre, non. Belle jeune, ou je sais pas quoi, non? Non. Mais Véro, c'est important l'argent pour toi quand tu rencontres un gars. Vas-tu essayer de savoir combien il gagne? Non. Vas-tu essayer de voir s'il peut pas partant. S'il peut te gâter ou. Par contre, quand tu te rends compte qu'il y a beaucoup de squelettes dans le placard et que le volet financier en fait partie, là, je vous avouerai que moi j'ai une grosse crainte. Tu sortirais-tu avec un gars qui gagne moins cher que toi? Ça, si j'ai pas à le faire vivre, là, je pense que je vous l'ai dit de manière assez claire. Ça me dérange pas tant. Si par contre, je vais le faire vivre. Un gars qui a pas de job. Pas son affaire. OK, un gars qui a pas de job, là. Il est sur le chômage, tu sais pas depuis combien de temps, il a de la misère à joindre les deux bouts là, puis il dit d'être le coup de foot puis solide là, attention. Il dit je suis d'une passe difficile puis tout ça, puis tu réagis comment? Regarde, ça m'est jamais arrivé. Par défaut, moi je juge là, je juge puis solidement. Fait que ça se peut que je prenne mes jambes à mon cou. À moins qu'il y ait vraiment de quoi de spécial, là. Mais en général, je pense que je prendrais mes jambes à mon cou. Moi, je fais bien des farces, mais j'aurais de la misère à partager ma vie avec une fille qui fait plus d'argent que moi. Ah oui? Ouais. Mais qui fait plus d'argent que toi dans le sens que tu peux pas la suivre, tu peux pas suivre son rythme de vie. Peut-être de l'orgueil mal placé. T'sais, je sais pas. J'essaie de comprendre. Je fais des jokes des fois. Hey, j'ai assez hâte de trouver une fille millionnaire qui va me faire vivre, m'arrêter de travailler. Parce que moi, c'est déjà arrivé là, que je sortais avec des gars qui gagnaient moins que moi, mais tu sais, ça paraissait pas tant, puis on s'ajustait. Comment? Oui. Ah ouais, c'est déjà arrivé. Gagnais-tu bien moins que toi? Ou... Je pourrais pas te dire. Mais tu sais, je me doutais que j'avais un meilleur rythme de vie. Là. OK. Ouais, c'est sûr, ça prend des ajustements, là, rendu là. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui, sans dire qu'elles vont se prostituer puis qu'elles vont demander un montant mensuel, comme on a vu dans les articles, moi, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont chercher un gars qui gagne quand même pas mal plus qu'eux autres, qui aiment bien ça se faire acheter du beau linge chez autre fou, qui aiment bien ça se faire inviter dans un beau restaurant, qui vont chercher ça. Est-ce que c'est de la prostitution? Je suis pas sûr. Peux-tu reprocher une fille d'aimer mieux sortir avec un gars qui gagne 150 000 par année comparativement à un gars qui en gagne 22 000? On peut-tu reprocher une fille de choisir un peu comme ça, là? Puis à l'inverse, c'est le gars qui fait un salaire qui est correct, qui est pas super riche, puis qui a le goût d'aller dans les restaurants, puis sa blonde n'a jamais le moyen de contribuer. Peut-être qu'il va stanner aussi à un moment donné. Mais même pour un millionnaire, là, 4 000 piastres par mois, elle est mieux d'être belle. Là. Elle est mieux de rouler en tabarnouche. Là. 4 000 piastres, pensez-y. Elle a besoin d'avoir des méchants beaux seins, des méchants de belles fesses. Pis... Elle est mieux d'être 4 000 par mois. Elle est mieux d'être shapée comme une déesse puis de faire ça comme une panthère. Ouais. Là. C'est parce qu'il y en a qui sont capables de sortir avec ces babes-là sans payer 4 000 piastres par mois. Non, c'est parce que la fille qui nous raconte son histoire, là, elle se fait payer l'appartement, l'hydro, le char, les voyages. En plus, 4 000 piastres par mois. Fou! Puis il reste pas avec. Puis elle a pas signé Angelina Jolie, là.